France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la bombe H française. Notre invité, Pierre Alonso, journaliste à Libération, notre journal partenaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste des questions de défense. Alors, deux questions sur le récit qu'on vient d'entendre. Et puis après, je vous poserai des questions simples autour d'un thème qui intéresse nos auditeurs. Et nous tous, nous vivons tous dans le même monde. Est-ce que ce monde est menacé par une guerre nucléaire demain, dans un an, dans 10 ans, dans 1000 ans, je ne sais pas. Voilà. On en est. Alors, concernant l'histoire qu'on vient de raconter et qui se terminait par deux questions. Pourquoi William Cook a-t-il décidé d'aider la France pour l'acquisition de la bombe et le général était-il au courant de tout? J'imagine que vous ne le savez pas plus que moi, mais qu'est-ce que ça vous inspire? Je crois que c'est vraiment les derniers mystères, parce que l'intervention de Cook, elle s'explique très bien, notamment par les réticences du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique, autant du côté des civils que des militaires, à développer la bombe H. Pour les civils, il y a une opposition de principe dès le début à la force nucléaire, de par sa capacité de destruction. Et pour les militaires, très vite, une fois qu'ils ont la bombe A, ils voient arriver de nouveaux projets qui sont extrêmement demandeurs en termes de ressources pour développer une bombe H. Or, ils ont peur que toutes leurs ressources soient aspirées, notamment les ressources conventionnelles soient aspirées dans le développement de cette capacité qu'ils estiment pas essentielle. L'autre mystère, c'est le général de Gaulle a-t-il su que la France devenait une puissance thermonucléaire grâce à la Grande-Bretagne? Ça, je crois que pour l'instant, on ne le sait pas encore. Mais l'intervention de Cook, elle, fait plutôt autorité aujourd'hui. En tout cas, s'il l'a su, il s'est bien gardé de le dire. Et on comprend dans la psychologie du général de Gaulle et dans son cheminement politique et historique, c'était pas possible de dire c'est grâce aux Anglais, merci les Anglais, forcément. D'autant que c'était la bombe, c'est la marque de l'indépendance. Bah oui. Alors, la bombe H, je résume, contre l'accueil de la Grande-Bretagne dans le marché commun, on l'appelait comme ça à l'époque. Donc l'Europe, ça vous paraît crédible ou fantasmatique? Non, ça paraît assez crédible, surtout quand on voit les dates. 69-72, c'est très très proche. On se dit qu'il y a forcément eu une contrepartie, puisque, a priori, livrer des secrets nucléaires, ça se fait pas comme ça. Et surtout, soit on le fait en cachette, mais auquel cas on s'expose à des risques quand même relativement élevés, soit c'est en accord avec son autorité politique, et auquel cas, il y a une négociation derrière qui est sans doute l'entrée dans le marché commun. Allez, on va faire un grand bond en avant dans le temps et arriver à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, 8 pays ont la bombe nucléaire de façon tout à fait officielle. Il y a bien sûr les 5 du Conseil de sécurité, États-Unis, Russie, Chine, France et Grande-Bretagne. Et puis il y a le Pakistan, l'Inde et la Corée du Nord, qui ne font pas partie du Conseil de sécurité, mais qui ont la bombe, on le sait, c'est prouvé. On le sait encore plus avec la Corée du Nord. Et puis il y a un pays qui l'a peut-être, c'est Israël. Oui, Israël a jamais reconnu officiellement avoir la bombe. Néanmoins, depuis des années, on sait qu'il y a eu une collaboration avec la France dans les années 60. Par d'autres sources, probablement réussi à développer sa propre bombe. Mais jusqu'ici, jamais Israël n'a reconnu officiellement avoir la bombe. Et par ailleurs, Israël n'est pas parti au traité de non-prolifération. Ouais. Alors, il y a également l'Inde et le Pakistan. On dit à tort ou à raison que s'il y avait vraiment un danger nucléaire, ça viendrait de là. Parce qu'il y a un contentieux énorme entre ces deux pays. D'ailleurs, c'est le résultat d'une scission. Est-ce que, là encore, il s'agit d'une peur fantasmatique ou est-ce que c'est lucide, tout à fait lucide, que d'avoir peur d'un conflit entre ces deux pays-là? C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de nucléaire, on pense très souvent à la Corée du Nord. Or, la région est vraiment très, où il y a beaucoup de tensions et deux puissances nucléaires ennemies, c'est l'Inde et le Pakistan. Depuis que les deux États en sont dotés, la dissuasion a fonctionné. Puisqu'il n'y a pas eu d'affrontement armé à un niveau tel qu'ils engagent la force nucléaire, évidemment. Donc on peut penser que là, il y a une forme d'équilibre de la terreur très locale qui a fonctionné, enfin qui fonctionne jusqu'ici. La Corée du Nord, maintenant. Alors, la Corée du Nord, c'est l'un des deux pays qui pose vraiment question. Déjà, quel est l'arsenal réel de la Corée du Nord? Alors, l'arsenal, il évolue très vite. Et surtout ces dernières années, aujourd'hui, on estime à peu près une dizaine de bombes nucléaires au sein de la Corée du Nord. A priori, ce sont des bombes A, même si au début de pendant l'été, en septembre 2017, donc très récemment, la Corée du Nord a fait un nouvel essai nucléaire. Qui pourrait être un essai thermonucléaire. Il n'y a pas de certitude, mais la puissance est telle que les interrogations sont fortes sur la nature de cette bombe nucléaire. Et donc pour l'instant, c'est un arsenal qui est relativement restreint, mais qui est extrêmement préoccupant, parce que là aussi, la Corée du Nord est évidemment pas partie au traité de non-prolifération, elle s'en est retirée en 2003. Et montre aucune bonne volonté pour limiter la prolifération, pour accepter les sanctions des, enfin pour se plier aux sanctions, aux exigences internationales du Conseil de sécurité. Alors, posséder l'arme nucléaire, c'est une chose, mais pour que ce soit efficace, il faut un véhicule, c'est-à-dire les ogives de longue portée, par exemple. La Corée du Nord a-t-elle des ogives de longue portée ? Maintenant, oui. Parce que, en fait, la Corée du Nord développe deux programmes. Le programme nucléaire à proprement parler et un programme de missiles balistiques, longue portée. Donc, notamment des missiles intercontinentaux qui ont une portée supérieure à 5500 km. Alors, c'est une fourchette large, mais comprise entre 5000 et 10 000 km, pour faire simple. Et de quoi agresser quand même certains pays qui se trouvent dans le rayon. Oui, ça fait beaucoup de pays dans les rayons. Et la relation entre le programme balistique et le nucléaire, elle est d'abord logique. C'est un missile balistique, plus il va loin, moins il est précis. Donc, plus l'intérêt est grand d'avoir une charge de destruction massive. Parce que s'il y a une erreur de quelques centaines de mètres, voire de kilomètres, à l'échelle d'une explosion nucléaire, ça ne change pas grand-chose. C'est aussi pour ça que le programme balistique est très lié au programme nucléaire dans les préoccupations des puissances du Conseil de sécurité. Et puis c'est aussi pour ça qu'il est préoccupant, parce que ça permet à la Corée du Nord, lorsqu'elle aura mis au point, ce qui a priori n'est pas encore le cas, de pouvoir projeter son arme nucléaire jusqu'à 10 000 km. Donc évidemment d'atteindre les États-Unis, mais pas seulement. Alors, on a du mal à croire tout de même que, bien que ce régime nord-coréen soit assez singulier, on va dire, on a du mal à croire que le dessein des Nord-Coréens, ce soit d'agresser un pays. On penche plutôt vers l'hypothèse, j'ai l'arme nucléaire, je suis un petit pays que vous méprisez, monsieur, madame, et moi j'ai l'arme nucléaire. Et parce que j'ai l'arme nucléaire, je suis fort, figurez-vous. Est-ce que c'est ça, en fait? Oui, pour l'instant, enfin, l'arme nucléaire sert à ça. C'est la puissance nucléaire. On en parle comme ça, mais et puis ça permet aussi de sanctuariser son territoire. Tous les pays qui ont l'arme nucléaire peuvent répondre en cas d'agression armée, y compris sur leur territoire. Donc c'est le système de la dissuasion. Ça permet aussi à un pays de peser sur le monde géopolitique, enfin sur la géopolitique du monde plutôt. C'est fort aussi. Aujourd'hui, alors qu'on parle beaucoup de puissance molle, de soft power, ça rappelle à quel point la puissance la plus dure, donc la puissance militaire la plus extrême, est aussi un argument de poids dans les relations internationales. Bien sûr, bien sûr. Alors maintenant, comment faut-il se comporter avec les Nord coréen? Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a celle qu'on connaît le mieux, puisque c'est celle du président américain actuel, Donald Trump, qui le 19 septembre dernier déclarait ceci. Personne n'a montré plus de mépris pour les autres États et pour le bien-être de son propre peuple que le régime vicieux de la Corée du Nord. Les États-Unis ont une grande force et une grande patience, mais s'ils sont forcés de se défendre ou de défendre leurs alliés, nous n'aurons pas d'autre choix que de détruire totalement la Corée du Nord. L'homme fusée est dans une mission suicide pour lui-même et pour son régime. Les États-Unis sont prêts, disposés et capables, mais nous espérons que ce ne sera pas nécessaire. Bon, alors escalade verbale, ça vaut mieux qu'une escalade militaire et de surcroît nucléaire. Mais enfin, comment faut-il se comporter avec... Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, déjà, cette façon de se comporter avec la Corée du Nord? La dissuasion, c'est d'abord, elle est d'abord discursive. La dissuasion, c'est avant tout un discours qui consiste à dire, si jamais vous ne faites pas ce que vous voulez, nous irons, dans le cas le plus extrême, jusqu'à la frappe nucléaire. Alors, avec ces mots, c'est un peu ce que fait Donald Trump, là, en menaçant. Mais il menace aussi pour ne pas avoir à frapper, évidemment. Mais la question qui est posée aussi par à la fois par Trump et puis par le régime nord-coréen, c'est celle de la rationalité des acteurs politiques, des dirigeants, en l'occurrence, puisque la dissuasion repose sur la rationalité. Puisqu'on estime que un acteur qui risque d'être totalement détruit s'il pose un acte ne le fera pas, parce que le calcul rationnel veut que... Bon, la question c'est, est-ce que la Corée du Nord est un acteur rationnel? Pour l'instant, elle l'est plutôt, même si bon, le chemin emprunté... S'il s'agit de dire respectez-nous, elle est rationnelle finalement. Oui. Après, jusqu'où elle ira... Bien sûr. Voilà, c'est pour l'instant, plutôt... elle est rationnelle. Pour l'instant, elle est rationnelle. Bon, alors, maintenant, il y a l'autre pays qui, à tort ou à raison, fait peur. Je dis bien à tort ou à raison. C'est l'Iran. Alors, changement de style, voici un autre président américain aux antipodes dans tous les domaines du président actuel. C'est son prédécesseur, c'est bien sûr Barack Obama, qui, concernant l'Iran, déclare ceci le 14 juillet 2015, le fameux accord avec l'Iran. Écoutez. Cet accord démontre que la diplomatie américaine peut produire des changements significatifs, des changements qui rendent notre pays et le monde plus sûrs. Aujourd'hui, parce que les États-Unis ont négocié en position de force, nous avons stoppé la menace nucléaire au Moyen-Orient. C'est l'argument majeur du président américain. Sans accord, l'Iran poursuivrait sa course à la bombe atomique avec un risque de guerre dans la région la plus instable du monde. Là, le programme nucléaire est gelé, les inspections garanties pendant 15 ans, les ventes d'armes conventionnelles à l'Iran interdites pendant 5 ans, d'où l'avertissement lancé aux élus américains. Ce serait irresponsable de bouder cet accord. Je mettrai mon veto en cas de rejet par le Congrès. Après cette étape seulement, Barack Obama pourra penser à la trace qu'il laissera dans l'histoire. Voilà, analyse de Frédéric Carbone lorsqu'il était l'envoyé spécial permanent de Radio France à Washington. Alors, l'Iran, donc, du nucléaire civil au nucléaire militaire. Certains spécialistes disent que les Iraniens seraient en mesure d'avoir la bombe atomique militaire entre 5 un horizon qui irait entre 5 et 10 ans. Est-ce que ça aussi c'est crédible? C'est toute la philosophie de cet accord signé le 14 juillet 2015. C'est après des négociations qui n'ont pas abouti en 2003, après une décennie de très très fortes tensions aboutissant à l'accord en 2015, quand il y a eu d'une part le président Rouhani en Iran et puis Obama aux États-Unis. L'idée de cette négociation, c'était de dire que il fallait stopper les capacités de l'Iran à quelques années de la bombe. Avant qu'elle ait la bombe. Donc aujourd'hui, l'accord il tient jusqu'en 2025. Il doit être renouvelé à ce moment-là. A priori, avec les inspections, avec les garanties qui ont été posées par cet accord sur la quantité d'uranium que l'Iran peut conserver sur son sol ou de plutonium, etc. L'Iran n'est pas capable aujourd'hui de faire une bombe à très faible échéance. Même opérationnelle à faible échéance. À faible échéance. Et quels seraient les risques d'un Iran nucléarisé? Ah, serait d'abord un risque de prolifération, puisque l'Iran est une puissance moyenne, en tout cas une puissance régionale, mais au même titre que la Turquie ou que l'Arabie Saoudite, qui par ailleurs est un ennemi irréductible de l'Iran. Irréductible de l'Iran. Et historique. Et on le voit en ce moment particulièrement. Donc on peut penser que si l'Iran était une puissance nucléaire, l'Arabie Saoudite deviendrait une puissance nucléaire très rapidement. Peut-être la Turquie aussi. Enfin, il y aurait tout d'un coup une vague de prolifération dans une zone extrêmement instable qui serait terriblement préoccupante. D'accord, c'est intéressant. Donc ça veut dire que si l'Iran a la bombe nucléaire, ça ne devient pas dangereux forcément par le comportement de l'Iran, mais par la prolifération que ça entraîne. C'est bien ça. Alors, plus de 100 pays ont approuvé le traité sur l'interdiction des armes nucléaires en juillet dernier. Alors, il y en a beaucoup des traités comme ça. De quoi s'agit-il, hein, celui-là? Qu'est-ce qui fait avancer? Alors, c'est aujourd'hui, après le traité de non-prolifération qui limite le nombre d'acteurs, l'idée est de de diminuer, voire de supprimer les bombes nucléaires possédées par 8 États, enfin 7 États en tout cas. Et donc ce traité pousse dans cette direction, mais il y a aussi des structures non gouvernementales, typiquement l'ICAN. Donc il y a eu cette année le prix Nobel de la paix, qui montre que il y a une préoccupation qui reste dans les sociétés civiles sur la peur du nucléaire et la volonté d'aboutir à un monde sans armes nucléaires. Et à ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une surdité totale des puissances nucléaires. La France a consenti à diminuer son arsenal, mais jamais ne reviendra sur l'idée que la France puisse être autre chose qu'une puissance nucléaire. Mmh. Emmanuel Macron l'a dit encore vendredi dernier à Istres. La Russie s'y est carrément opposée, elle. Alors, parlons de la Chine. C'est intéressant. La Chine qui est deuxième puissance mondiale maintenant, économique mondiale en tout cas, mais qui a aussi la bombe atomique, une capacité de mobilisation en hommes pour une armée pléthorique. Enfin voilà, un pays, ce qu'on appelle vraiment un pays puissant. Quels sont les rapports de la Chine avec l'arme nucléaire? Parce que finalement, la Chine apparaît plutôt comme un pôle d'équilibre dans la région, plutôt que comme un agresseur potentiel. Ouais, je crois que ce qui caractérise la Chine, c'est aussi une vision stratégique à très long terme. Et pour dérouler sa vision stratégique, on le voit avec notamment les nouvelles routes de la soie qui passent par l'Afrique, qui ont poussé la Chine à investir massivement dans la Corne de l'Afrique, dans des infrastructures, etc. Mais, pour dérouler cette vision stratégique, elle a besoin d'éviter absolument les perturbations. Et on voit que sur la crise nord-coréenne, elle est plutôt une puissance qui modère les ardeurs nord-coréennes, parce qu'elle veut pas d'intervention à ses frontières, mais aussi parce qu'elle veut pouvoir continuer à dérouler son plan. Et son plan économique, surtout. Et son plan, bien sûr, économique. Les Chinois n'ont connu quasiment jusqu'à la fin du siècle que des troubles, des guerres civiles et puis des guerres classiques. Par exemple, les Chinois aspirent peut-être au bonheur, simplement à la consommation, et à autre chose qu'à la guerre. Peut-être, en tout cas. Dernière chose, est-ce qu'il y a un risque de terrorisme nucléaire à base de déchets ou de bombes artisanales, alors moins destructrices à grande échelle, mais qui seraient quand même dangereuses? C'est une peur qui a été très présente après le 11 septembre, oui. Peut-être parce qu'on imaginait ce qui pourrait être pire que le 11 septembre, et c'était la crainte de la bombe sale, de la bombe avec des déchets. Aujourd'hui, il n'y a aucune organisation terroriste qui a les moyens de fabriquer ce genre de danger. Voilà, merci. On va finir sur une parole rassurante. Merci Pierre Lonzo, merci. Du journal Libération, notre partenaire une fois par mois. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la bombe H, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Philippe Duclos qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous évoquerons la création du SMIC.